Ainsi, les trois avions postaux, de la Patagonie, du Chili et du Paraguay, revenaient du sud, de l'ouest et du nord vers Buenos Aires. On y attendait leur chargement pour donner le départ à minuit à l'avion d'Europe. Rivière, responsable du réseau entier, se promenait de long en large sur le terrain d'atterrissage de Buenos Aires. Un manœuvre l'aborda pour lui communiquer un message du poste radio. Le courrier du Chili signale qu'il aperçoit la lumière de Buenos Aires. Bien. Bientôt Rivière entendrait cet avion. Plus tard, il recevrait les deux autres. Alors, les équipes usées iraient dormir, remplacées par les équipes fraîches. Mais Rivière n'aurait point de repos. Le courrier d'Europe, à son tour, le chargerait d'inquiétude. Il en serait toujours ainsi. Toujours. Pour la première fois, ce vieux lutteur s'étonnait de se sentir là. L'arrivée des avions ne serait jamais cette victoire qui termine une guerre et ouvre une ère de paix bienheureuse. Il semblait à Rivière qu'il soulevait un poids très lourd, à bras tendus, depuis longtemps. Un effort sans repos et sans espérance. Je vieillis. Il vieillissait, si dans l'action seule, il ne trouvait plus sa nourriture. Il s'étonna de réfléchir sur des problèmes qui ne s'étaient jamais posés. Il s'aperçut qu'il avait peu à peu repoussé vers la vieillesse pour, quand il aurait le temps, ce qui fait douce la vie des hommes. Comme si réellement on pouvait avoir le temps, un jour, comme si l'on gagnait, à l'extrémité de la vie, cette paix bienheureuse que l'on imagine. Mais il n'y a pas de paix. Il n'y a peut-être pas de victoire. Il n'y a pas d'arrivée définitive de tous les courriers. Il repoussa toutes les pensées tristes qui lui venaient de sa fatigue et se dirigea vers le hangar, car l'avion du Chili grondait.